Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe, édition spéciale Radio-Ton 2023. Fréquence d'Outre-Tombe, l'émission où on explique l'inexpliqué, où on explore l'inexploré et où on flirte avec le paranormal. David Rocketship est avec toi pour les 60 prochaines minutes et bien accompagné pour ce spécial Radio-Ton. J'ai Mireille Bouchard devant moi. Mireille, ça va bien? Ça va bien, toi, David? Oui, absolument. Très content de t'avoir parmi nous pour cette édition spéciale. Ça fait que quelques fois qu'on t'a pour Fréquence d'Outre-Tombe. Ben, ça va être la deuxième fois, mais on a co-animé ensemble... Rock'n'Roll Planète, ouais. Hein, quelques fois. Exactement. Ouais. La dernière fois que j'étais avec toi, on avait fait une émission spéciale Scorpion. Oui. Sur les rockstars Scorpions, ce qui était vraiment le fun à organiser. Puis là, ben, on est de retour avec un tirage de tarot qu'on espère être quelque chose, une tradition... Oui, c'est devenu une tradition, c'est ça, exact. Voilà. Puis, on a une invitée spéciale avec nous. On a une invitée spéciale avec nous. Lou-Adriane Cassidy est avec nous. Hello. Ça va bien? Comment tu te sens face à cette aventure un petit peu mystérieuse devant toi? Je me sens au bord du gouffre de l'incertitude. Ah. Mais ça va. Je suis excitée. C'est bon. On est là tous ensemble. C'est ça. On est un peu trop à se pitcher dans le vide avec cette histoire-là. Mais promis qu'on va bien... s'amuser. Mm-hmm. J'ai confiance. Oui. J'ai envie de commencer en ouvrant la ligne. On aime ça à Fréquence du Retombe, ouvrir la ligne. Donc, je commence par donner le numéro de téléphone pour nous rejoindre. 418-640-1586. 418-640-1586. Là, on a entendu parler qu'il y avait peut-être des fantômes dans la ville de Québec, puis on a entendu parler qu'il y avait peut-être un fantôme au Capitole. Oui, on a entendu parler de ça, puis vu qu'on invite une chanteuse aujourd'hui parmi nous, on aimerait écouter vos histoires de fantômes, mais si vous avez des histoires de fantômes de scène, style fantôme de l'opéra, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait qu'on nous raconte. On a un petit enregistrement avec on a un auditeur qui nous appelle. Donnez-moi une petite seconde, je prends l'appel. Pour l'instant, je vais te laisser parler un petit peu, Mireille, avec Lou-Adriane. Lui expliquer un peu ce qui s'en vient dans la prochaine heure, de qu'est-ce qu'on va aborder. OK. Donc, nous, on... c'est la folie en studio présentement. Ça brosse. Oui, voilà. Donc, notre angle, en fait, c'est ça, c'est de savoir, bon... Est-ce qu'il se passe quelque chose dans nos salles de spectacle? Est-ce qu'il y a de l'activité paranormale? Est-ce que toi, Lou-Adriane, c'est le genre de choses... Des fois, on rentre dans des endroits, on sent des vibes. Est-ce qu'il y a des salles de spectacle dans lesquelles tu as mis les pieds, où tu sentais cette espèce de présence-là? Ça peut être positif comme creepy. Moi, je t'avouerais que je suis vraiment la personne la moins sensible à ce genre d'affaires-là ever. J'ai comme des amis autour de moi. Là, mettons Ariane Roy, là, qui est une autre artiste... autrice-compositrice, puis je sais que elle, ça a toujours été, quand on grandissait, elle avait des histoires dans sa famille, de gens qui avaient vu, puis elle fait des rêves, là, ben symboliques, puis tout. Puis moi, c'est vraiment une partie de... c'est une partie du monde, on dirait, qui m'échappe, mais à laquelle j'essaie de juste m'ouvrir, parce que j'ai été pendant très longtemps cette personne sceptique et plate. C'est comme si, en vieillissant, à la place de... On dirait que c'est comme le chemin inverse, là. Tu sais, d'habitude, il y a des gens, on dirait, qui arrivent ouverts d'esprit, puis là, avec le temps, tu deviens encore plus boqué. Moi, on dirait que c'est comme le contraire. On dirait que je fais, dans le fond, peut-être, tout est plus compliqué que ce qu'on croit, puis. Mais il y a quelque chose moins, de. C'est ça. Tu sais, il y a quand même quelque chose de l'ordre du merveilleux dans ta musique, puis dans ton destin, de faire ce que tu fais présentement dans ta vie. Donc, il y a, tu sais. T'sais, on peut parler de fantômes comme on peut parler de spiritualité, donc on pourrait parler exact. De spiritisme. T'sais, moi, je crois quand même au mystique ou à l'espèce de... Tu sais, mettons, comme tu dis, là, mettons bien concrètement, la création, il y a vraiment quelque chose d'absolument mystérieux et mystique là-dedans, là, dans le sens où c'est tellement, je sais pas, là, de l'inspiration, t'sais, d'où ça vient, une idée. Qu'est-ce qui fait que tu te développes et que tu vas vers là? Il y a vraiment quelque chose qui te tombe dessus puis sur lequel t'as pas tant que ça de contrôle, en fait. Là. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve ça... super intéressant, puis ça apporte beaucoup un peu comme d'humilité, dans le sens où c'est pas pas ça apporte, en tout cas j'ai comme juste le mot en anglais, le humbling, là. C'est comme oui c'est ça. ça te fait peut-être moins voir comme si c'était tout de ton de ton propre ressort, je sais pas comment ce que je veux dire, il y a quelque chose de ça dans hasard là-dedans. Oui, c'est ça, de hasard, de mystère, de mysticisme, peu importe comment tu appelles ça. Fait que je sais pas, tu sais, je pense que les endroits ils ont des vibes, mais mettons j'ai jamais rentré à une place puis j'ai fait non, je sens pas les ondes mystérieuses. Puis t'as pas senti non plus la présence comme d'une grande chanteuse ou d'un grand chanteur derrière toi qui dit non. vas-y own la scène, you can. C'est mon propre esprit là que j'essaie de canaliser là dans ces moments. Et dis-moi David, comment ça va avec le téléphone la technique là? On a quelqu'un en ligne qui est prêt à nous raconter son histoire, son histoire mystérieuse. On attend avec impatience. On y va avec ça. Alors, je prends la ligne. On me donne une petite seconde. Voilà. Bonsoir, merci d'avoir appelé Fréquence d'Outre-Tombe. À qui est-ce que je parle? C'est Isabelle. Salut Isabelle, ça va bien? Oui, toi? Oui, absolument. T'as quelque chose à nous raconter, Isabelle, j'imagine, hein, si tu nous appelles? Oui, c'est ça. Ben nous autres, c'est une histoire un petit peu particulière. Là. C'est avec notre fille qui a aujourd'hui 5 ans, qui elle nous a fait des frousses une fois de temps en temps. Dans le fond, Léa, quand elle était bébé, elle avait comme des yeux vraiment particuliers. Puis tout le monde nous disait, on dirait qu'elle veut voler notre âme, des choses comme ça. Puis on riait de ça. Mais quand elle était petite, elle est rendue à 5 ans, c'est moins fréquent, mais quand elle était petite, il est arrivé quelques histoires un peu effrayante là, avec elle. Dans le fond, une fois, elle s'est levée, plus qu'une fois, en fait, c'est arrivé deux fois ou trois. Elle s'est levée la nuit, puis elle nous disait, mettons, je suis pas capable de dormir, le monsieur m'empêche de dormir. Puis là, on allait voir dans sa chambre, on lui disait, il est où le monsieur? Puis là, elle pointait dans le coin de sa chambre. Mais il y avait rien, il y avait personne. C'est arrivé, c'est ça, à quand même deux ou trois reprises. Puis une autre fois, ça arrivait aussi avec quelqu'un d'autre dans le fond parce que c'était le mariage à mon frère, puis tout le monde dormait dans un chalet. Puis pendant la nuit, elle est rentrée dans la chambre d'une autre personne, d'une fille. Puis elle nous a dit le lendemain matin, elle dit, ta fille est rentrée dans ma chambre cette nuit, puis elle m'a dit attention, puis après ça, elle est repartie en courant. Elle dit, j'ai eu la chienne toute la nuit, puis j'ai pas voulu sortir de la chambre pour tout le reste de la nuit. Fait que c'est un petit peu ça. C'est moins fréquent, c'est rendu à 5 ans. On dirait que c'est moins évident, mais ça nous a quand même fait peur à ce moment-là. Là. Cool. On dit que les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses-là. Ah, ça doit être rendu trop vieille maintenant, peut-être. Cool. Ben, merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir raconté ça. C'est smart. Ben, ça fait plaisir. Bonne fin de soirée. Continue d'écouter CKRL. Yes, tout le temps. Bye bye. Oh my god. Hey. C'est fou. Ok, là. Ça avance. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Hein, quand on entend. Puis peut-être que c'est vrai là, que les enfants sont plus réceptifs à ce genre de choses-là. Puis qu'avec le temps, ben, on apprend à se cadrer un peu, on apprend certains cadres, une certaine rigidité, tout ça, puis qu'on devient de moins en moins sensible, je sais pas trop là. Moi, ma théorie par rapport à ça, c'est quelque chose je suis grande fan de Carl Gustav Jung, qui était comme un peu le partner de Freud à un certain moment. Puis ce gars-là est extraordinaire parce qu'il est comme il est full dans les émotions, puis c'est vraiment comme un thérapeute qui voulait aider puis s'impliquait à fond. Mais pour lui, l'inconscient, tu sais, ce qui nous permet justement d'imaginer les choses. L'inconscient collectif. Oui! Ça, c'est incroyable. C'est hot, hein? Ouais, c'est Il est vraiment hot. En tout cas, si vous avez entendu parler de Freud, vous êtes allé lisez Carl Gustav Jung. Il est juste vraiment trop sweet. Mais tu sais, pour lui, le monde intérieur est aussi réel que le monde extérieur. Puis, les symboles qu'on vit, c'est des choses qui sont là pour nous faire réaliser certaines étapes de notre vie, certains constats. Puis je crois que quand on est très sensible ou qu'on a une imagination qui est exacerbée puis super développée, ben des fois c'est comme si la limite entre le monde intérieur puis extérieur peut fluctuer, tu sais. C'est vraiment intéressant. Tu veux dire que ces symboles-là, que justement, cette espèce d'inconscient collectif qui existe pour tout le monde, puis qui sont des façons de traverser un peu la vie, ça se matérialise concrètement pour eux, les enfants. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, pour les enfants, pour certains adultes aussi. Oui, oui, oui. Fait que pour moi, tu sais, c'est ça. Tout ce qui est monde imaginaire, puis comme ce qui est fantomatique, des fois, c'est peut-être le discernement qui manque à la personne quand elle est en face de phénomènes paranormaux. Hey. C'est super intéressant de voir de voir les choses de cette façon là. Ouais, c'est hot, j'aime ça. Puis là on a Isabelle qui vient de nous raconter un peu ce qui se passait autour de sa fille quand t'étais petite, quand t'étais jeune. Puis là, j'ai envie de vous demander à vous deux, en fait, Mireille puis Lou-Adriane, si vous avez déjà vécu peut-être quelque chose comme ça qui est un petit peu plus difficile à expliquer ou à tu sais, qui peut flirter justement avec cette genre de limite-là, là. Fait que j'ouvre la porte. Moi, je vais aller en premier parce que c'est trop plate, j'ai rien vécu pantoute, fait que moi, je suis l'exemple parfait, là. Comme je disais, là, je suis grandie sceptique, puis toute mon adolescence, je riais, toutes mes amies qui me contaient des histoires, puis je disais genre, c'est pas vrai. Puis là, j'essaie de travailler là-dessus, fait que je suis pas une bonne invitée. Ben, moi, je pense que je fais plus une fixation sur ces phénomènes-là en essayant de les comprendre, puis en essayant de faire du lien. Puis, j'ai quand même aussi un genre de fond d'angoisse qui a envie de savoir l'avenir, puis ça m'a apporter à apprendre à lire le tarot très, très jeune. Donc, sans vraiment complètement croire à ça, je pense que dès que tu crois en quelque chose, ça l'aide à se matérialiser. Donc, c'est important de choisir en quoi tu crois. Bon, moi, est-ce que je crois au tarot? Non, mais je crois vraiment à la volonté des gens de trouver un sens à leur vie. Puis, je pense que le tarot, c'est un outil de faire ça. Puis, pour réussir à faire ça, en fait. Je suis full d'accord avec ça. Moi, je parlais d'expérience, mettons, par rapport à des fantômes puis tout, mais moi, je crois 100%... moi, je dirais, je crois même au tarot ou au yiking ou à n'importe quoi. Ah, je suis tellement dans avec le yiking. Ouais, parce que, ben, en fait, je crois que la façon dont tu l'interprètes va faire que c'est vrai. Tu sais, même les genres de spécialistes de tarot, là, c'est pas vraiment nécessairement des affaires de « il va t'arriver ça exactement, puis genre telle personne va arriver dans ta vie, puis ta mère va mourir ». C'est plus... cette année, ça, tu vas être face à, mettons, certains... Tu sais, toujours une façon, je pense, de l'interpréter pour que ça t'aide pour de vrai dans ta vie. Puis je pense que ça t'aide à mieux lire en toi-même, en fait. Oui, je dirais. Je trouve que ça a vraiment cette vérité-là. Ben, même pas, je fais des guillemets, mais je pense qu'il y a de la vérité là-dedans, pareil. Ça donne des perspectives que tu n'aurais pas autrement si tu ne mettais pas la main dans le jeu puis que tu ne laissais pas justement intervenir le hasard volontairement dans ta façon de voir les choses. Exactement. Donc, on va te tirer au tarot. Yes! Ouais, on va faire ça un petit peu plus tard. On a encore un bon petit 5 minutes devant nous. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler pour nous raconter peut-être ce qui vous est arrivé ou quelque chose. C'est au 640-1586. C'est dans 418-640-1586. Et oh, pendant que je vous parle, j'ai le téléphone qui sonne. Donnez-moi une petite seconde pour prendre l'appel. Je prends ça à l'instant. Oui, bonjour, à qui je parle? Allô, c'est Karine. Karine, tu vas nous raconter une histoire. Est-ce que c'est une histoire qui est effrayante? Ben, je pense que oui, là. Parfait. Karine, tu sais, à Fréquence d'Outre-Tombe, on aime les bonnes histoires, mais on aime surtout les témoignages. Donc, ce que tu vas nous raconter, c'est arrivé à qui? Ben, c'est arrivé à moi, puis je pense que c'est quand même assez stressant, oui, là. Excellent, c'est comme ça qu'on aime ça, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Alors, Karine, je te laisse nous raconter ton histoire. OK, fait que moi, il fut une couple d'années, j'ai travaillé pour la buanderie, dans le fond, qui est pour l'hôpital Robert-Schwarz. C'est une buanderie qui est séparée de l'hôpital en soi. Et quand on allait sur leur dîner pour aller à la cafétéria, dans le fond, de l'hôpital, il fallait passer par les souterrains qui étaient connectés ensemble. Puis, à un moment donné, je marchais pour aller justement dîner. Et du coin de l'œil, j'ai comme aperçu dans un des endroits où est-ce qu'ils servent les petits véhicules qu'il y avait un homme qui était accroupi face vers le mur. Et sur le coup, j'étais très mal à l'aise. Fait que je suis partie rapidement. Ben, je croyais que c'était un des internés, dans le fond, qui s'était comme un peu échappé. Fait que moi, je suis partie. Fait que j'ai jamais su, ben, par après, vraiment, c'était quoi. Mais un moment donné, dans un cours de philo au cégep, il y a un des étudiants qui a mentionné que sa mère, qui travaillait à Robert Schiffard, avait dit qu'un des internés était décédé dans cette position-là, précisément. Puis que des fois, ben, il voyait, dans le fond, dans l'hôpital. Fait que c'était probablement lui, dans le fond, que j'avais vu dans le coin. Karine, c'est une très belle histoire, parfaitement comme on les aime. ça a dû te faire peur quand même quand t'as appris, après coup, que t'étais pas la seule à avoir vu, si on veut, cette présence-là. Ben, quand même, pour vrai, parce que ça m'a comme confirmé, un, que j'ai pas halluciné, mais c'est encore plus effrayant de penser que, dans le fond, c'était une personne qui était morte, là, finalement. Très certainement. Je peux à peine m'imaginer. C'est pas donné à tout le monde, hein, de pouvoir entrer en contact avec des personnes décédées. Et Karine, merci beaucoup de nous avoir appelé, d'avoir partagé tout ça avec nous. De plaisir. Et continue d'écouter Fréquence d'Outre-Tombe sur CKRL 89.1. Ah, on est gâtés, on a des beaux témoignages. Merci Karine d'avoir appelé. Ah, c'était une belle histoire. Mais ça m'a toujours fait peur, ce Baptiste-là. J'ai peur. Les histoires de fantômes d'hôpital, c'est quand même des choses qui sont fréquentes. Moi, j'ai déjà entendu parler de l'Hôtel Dieu, de la dialyse à l'Hôtel Dieu. La dialyse à l'Hôtel Dieu, ok, ouais, je sais pas. L'Hôtel Dieu, c'est en ville, hein, ouais, c'est ça. Oui, exactement. Puis, je dirais pas qui et dans quelles circonstances, mais on me l'a rapporté. Okay. On me l'a rapporté directement, puis ensuite, j'en ai parlé à des gens autour de moi qui m'ont dit que oui, semblerait-il qu'il se passe des choses dans cet endroit-là. Puis, pour ceux qui savent pas c'est quoi la dialyse, je pense que c'est là où on fait les grosses transfusions sanguines. Ok. Fait qu'il y a comme quelque chose là qui est comme un peu mystique là, dans comme cette espèce d'échange de fluide qui fait en sorte que peut-être qu'on aurait une partie d'une autre personne en soi, tu sais. Il y a des gens qui ne lèguent pas leurs organes parce qu'ils ont peur de vivre. Ah, de transmettre. Ouais. C'est-tu vrai? Ouais. Une part de leur âme. Ouais. Ouais, j'ai entendu ça quand j'étais super jeune, puis à cause de ça, j'ai jamais signé les papiers. Ah non! Et toi, David? Ouais, est-ce que t'en as, toi, des histoires comme ça? J'ai envie de dire que j'étais un peu comme Lou, dans le sens que quand j'étais. Tu sais, j'ai grandi vraiment, vraiment sceptique, puis j'ai jamais rien vécu de trop comme évident que j'étais pas capable d'expliquer. Mais il y a une fois qu'il y a un truc un peu comme étrange qui est arrivé quand j'étais ado, en fait. C'est drôle, là, j'étais chez un ami, puis sa cousine était quand même en visite pour la fin de semaine. Puis là, lui, mon ami qui était, bon, son cousin, il l'agaçait un peu, tout ça, tu fais de la magie ici, magie ça. Mais ça m'a toujours intrigué, par contre, malgré que j'ai toujours été sur la limite de croire, pas croire, tu sais. Mm-hmm. Ça m'a toujours intrigué. Puis on lui a demandé de nous montrer un peu ce qu'elle pouvait faire, puis elle était vraiment, en tout cas, j'ai envie de dire capable de un peu comme communiquer, si on veut, avec des genres d'entités par une chandelle là, qui bougeait. Ouais, c'était vraiment impressionnant, ça m'a vraiment impressionné. Puis tu sais, avec sa chandelle, elle était capable de dire déduire que mon pote qui était là avec nous, il y avait quelqu'un qui le suivait, qui veillait sur lui. Il était un membre de sa famille, quelqu'un de proche. Puis tu sais, t'es capable de déduire que c'était son grand frère, tu sais, qui s'était suicidé quelques années avant. Fait que ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Puis ça, c'est à glacer le sang quand même. Oui. Tu sais, on parlait d'inconscient collectif, mais tu sais, comme quand tu joues au Ouija, là, genre, c'est un peu un genre de. Mais c'est pas l'inconscient collectif parce que c'est pas les grands symboles, mais ce que je veux dire, c'est que la communion, mettons, des esprits, c'est un peu ça, là, tu sais, comme le fait que tout le monde, parce que tu sais, ça a été prouvé là, que le Ouija, c'est vraiment juste, c'est que tout le monde inconsciemment bouge un tout petit peu, puis tout le monde comprend c'est où tout le monde veut aller, puis si personne le calcule ou contrôle, puis personne triche, là, tu sais, il n'y a pas d'aimant sur la table. Mais il y a de la cohérence quand même, oui, c'est ça qui est capoté. C'est quand même la communion des esprits de, genre, qu'est-ce qui fait que ça fait des mots, puis en tout cas, tout le monde, c'est fou, là, c'est quoi les ondes là, du cerveau qu'on s'envoie? c'est vrai, c'est ça. Dans 100 ans, on va regarder tout ça, puis on va toujours en comprendre de plus en plus, mais c'est pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Oui, exact. Il faut continuer à écouter des émissions comme Fréquence d'Outre-Tombe. Définitivement. Hey, de l'autre côté de ce bloc d'encan, on revient avec un tirage de tarot. Yes. Le Radioton, c'est maintenant.

Salut, c'est Jacques Bégin, animateur de Midi Jazz. CKRL est en plein Radiothon. C'est donc le temps d'être généreux, de devenir membre ou de faire un don au Radiothon. Soyez donc généreux. Les projets inachevés ne se régleront pas seuls. Il y en a trois qui m'obsèdent particulièrement. Trois courts-métrages qui sont restés figés à l'étape du montage. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Pour moi, chaque tournage est une thérapie. L'important, c'est de la faire, de la montrer, puis d'apprendre de quoi de ça. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça l'œuvre d'art, en fond. Le documentaire David contre Goliath de David Béricard en salle dès le 5 mai. Vous êtes toujours sur CKRL.QC.CKRL891, vous êtes au Radiothon, puis c'est le temps d'aller miser CKRL.QC.CA. J'ai le lot, je regarde présentement le lot numéro 50, La Folle Galerie. Une nuit, tout compris, une à quatre personnes. Ça, c'est à Saint-Roch-des-Aulnais. C'est valide en tout temps. C'est vraiment un beau petit coin. La Folle Galerie, c'est un genre d'hôtel, auberge, éclectique ou un petit peu funky là, dans le design, super trippant. La valeur est de 190$ et la mise actuelle est de 135$. Donc ça, c'est le lot numéro 50. Je suis toujours sur ckrl.qc.ca à regarder justement les lots. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Lot numéro 90, la brasserie Linox sur Grande Allée, hein? On a un certificat cadeau d'une valeur de 100$ à l'Inox. Quand même un beau, une belle façon justement de vous procurer un certificat cadeau pour l'Inox. Ça peut très bien s'offrir en cadeau. Ça donne un don à CKRL en même temps. Puis la mise actuelle est un petit peu en bas de 100. Donc c'est une belle façon là, d'aller chercher un petit certificat cadeau pour une petite consommation à l'Inox. Érico Chocolatier, tant qu'à être en Haute-Ville, hein, on a un certificat cadeau de 100$ aussi. Érico Chocolatier ou le musée du chocolat sur Saint-Jean. Bien difficile de ne pas arrêter là l'été puis prendre une bonne crème à la glace. J'ai travaillé là. Gelato, t'as travaillé là, Érico, pour vrai? Ah ouais, c'était bon. Ah, c'est bien cool. Les meilleurs chocolats chauds en ville. Oui, c'est vrai. Puis gâteau au chocolat aussi. Le gâteau au chocolat, il est malade. Ouais, puis les les gélatos, les biscuits. Les biscuits, ouais, c'est vrai. On est des amateurs ici, des connaisseurs. Oh oui. Donc c'est krl.qc.ca pour miser à l'encan. Bonjour, ici Jordan Officer et je vous invite de donner généreusement au Radiothon de CKRL et à bientôt. Hi, my name is Jordan Officer. I'm 36 years old and I have two kids, a boy and a girl. I'm from Montreal but I'm in New York right now. We're all trying not to drive each other too crazy while I make this record. Vous êtes de retour à Fréquence d'Outre-Tombe sur CKRL 89.1. David Rocketship accompagné de Mireille Bouchard et Lou-Adriane Cassidy. Hello. Hey, on a parlé de fantômes, on a parlé de conscience collective, mm-hmm. On a parlé d'enfants mystérieux. De mystiques, de jeunes mystiques. Ouais. On a parlé de tout ça. Puis là, on serait rendu. Ah, j'avais une théorie tantôt parce que tu me disais que t'étais bien dans le réel. Oui. Puis tu parlais de ton amie Ariane. Ouais. Puis tantôt, on a jasé un petit peu. Puis tu me disais que ton chum, il était aussi bien wire, ses esprits. Oui. Puis là, j'étais comme, mais c'est sûr qu'entouré de plein de gens hyper sensibles comme ça, il faut quelqu'un qui soit groundé, tu sais. T'es peut-être le ground de ce monde-là, c'est finalement. C'est intéressant parce que, en fait, ben là, surtout par rapport à mon chum, mais il est pas par rapport aux esprits, mais il est très, très, comme je dis, mystique, symbolisme, histoire. c'est religieux, mais tout ce qui se mélange, mm-hmm. les espèces d'ordres spirituels du passé aussi, ça s'intéresse à tout ça. Mais en même temps, entre nous deux, la personne qui est la plus émotive puis la plus... c'est clairement moi, mettons, là, tu sais, je suis très, très... Ah, ouais. Oui, c'est ça. Moi, je suis comme... Ben, ça dépend des relations. Comme tu vois, avec Ariane, entre les deux, c'est moi mm-hmm. la terre à terre, puis c'est moi qui est la plus tout le temps rabat-joie. Mais avec mon chum, c'est clairement le contraire. Tu sais, fait que je m'entoure d'une variété de. J'ai souvent le poids contraire. J'avoue que c'est comme mais une c'est qualité bien. Puis un défaut. Ben, je te ça. Mais ça démontre comme que t'es une personne tout en nuance. Je pense que oui. Ça dépend dans quoi. Mais je défends beaucoup la nuance. Mais oui, c'est important quand même. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais oui, parfois ça nous arrive, tu sais, mon Dieu, moi, je me considère comme une tripeuse ésotérique, mais comme quand même sceptique. Mais c'est aussi que quand je commence à y croire, je deviens complètement folle, tu sais. Fait que je suis comme... Hey, tu te protèges, dans le fond. Ouais, mm-hmm. genre... Des fois, le monde, ils sont comme, « Ah, Mireille, je savais pas que tu faisais des cartes du ciel. Tu peux-tu faire la mienne? » Puis je suis comme, « Est-ce que t'as 8 heures devant toi puis une semaine avec, genre, des petits messages de précision sur ta carte? » En même temps, c'est malade. Tu veux-tu vraiment savoir ce que ton bisextile entre, genre, Neptune puis Vénus va donner? Tu sais, c'est... À un moment donné, il y a comme des limites à être geek aussi. Ouais, c'est un peu ça. Puis, c'est parce que t'es geek hein, qu'on t'a contacté un peu ce soir. J'imagine. On y va avec les... On parle là, on est en train de parler d'art, en tout cas d'art divinatoire peut-être, mm-hmm. ou en tout cas en son sens large. Ouais. Mireille, tu tires au tarot. Oui. Puis, quand t'es prête, on est c'est quand Ariane est prête. Ah, c'est ça. Est-ce que t'es prête? Je suis prête, mais oui, je suis prête. T'as pensé à ta question? J'ai pensé à ma question. Oui, c'est ça. Puis on se disait, j'ai dit ça à la fin ou j'ai dit là? Comment ça marche? Je pense que ça va être ton cue. C'est moi qui décide? Ouais. Mais on dirait que ça va être décevant si je le dis à la fin parce que c'est pas tant quelque chose de comme incroyablement. Tu sais, c'est pas genre. Ah, ben là, t'as envie de le dire. Fait que laisse-le. Ok, non, mais attends, c'est pas. On va rouvrir la boîte. Ok, on rouvre la boîte, ok? Moi, à partir du moment que la boîte est ouverte, je touche plus à rien. C'est vraiment comme toi qui touches les cartes. Ok. Donc, je t'invite à prendre le jeu dans tes mains en réfléchissant à ta question. Okay, et ça. Si t'es sur le point de le dire, vas-y. Fait que je le prends au complet dans mes mains. Ouais, puis tu le déposes sur la table. Parfait. Là, tu vas faire comme des cercles avec tes... OK. En fait, tu y vas vraiment comme tu veux. Il y a des gens qui le coupent, qui le brassent vraiment comme des joueurs de poker professionnels. Puis il y en a d'autres qui font juste comme l'étendre vraiment sur la table. Attends, je pensais pas à ma question, là. Attends, faut que... OK, j'arrête de parler. Est-ce qu'on peut avoir une musique? Ça va être tout. Oh my God! Ouais, je fais confiance. Maintenant, il faut que tu les... C'est qu'il faudrait que tu en choisisses 3. Puis dis-toi que la première carte que tu vas choisir, ça va représenter ton passé. Ouais. La deuxième, ton présent. Okay. Et la troisième, ton futur. Donc, la façon dont tu les mets devant toi, c'est comme passé, présent, futur. Puis moi, je vais t'y lire une à la fois, puis après, on va faire les liens, puis on va lire ton jeu. Ben, check. OK. Je vais aller comme ça. Je fais confiance au... Je fais confiance. OK, attends. Là, faut que je te dise quelque chose. Tout bon joueur de tarot met son jeu en ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, à chaque fois que je sers mon jeu, mes cartes sont numérotées de mettons, de 1 à 21. Je comprends. Fait que là, ils sont comme... Ouais. Mais en même temps, si j'ai fait ça, peut-être que c'était quand même... C'est ça qu'il fallait que je fasse, peut-être. Mais je préfère t'avertir. Mais là, en fait, tu me fais douter. Mais là, attends, faut que je me concentre. Je pense à ma question. C'était épouvantable. Renvoie-moi, David. Non. OK. Non, je vais... Check. Oh! Oh. Okay. J'ai tout vu aller. Ça fait bien du sens, tout ça. Good. Parfait, je suis prête. Stressant. Ta question? OK. Fait que ma question, en fond, c'est juste par rapport à... C'est full plate. Ça fait pas avec la musique en ce moment. C'est par rapport à mon prochain album. Parce que là, je suis comme en création un peu, puis entre les deux. Puis là, ma question, c'est comment va se passer le processus créatif, puis comment la sortie va aller, puis je veux-tu... aller au bout de mes idées, puis comme... Mais c'est tellement légitime comme question. Ben oui, mais c'est ça, c'est juste que sur, c'est pas très... C'est c'est pas très fantôme en boule. Dans c'est beaucoup mieux, en fait. Est-ce que t'as une idée un petit peu? Tu sais, ça ressemble à quoi, les deadlines? De... Hey, attends, OK. Pourquoi les deadlines? Ben, on va en studio fin l'été, début automne. Fait comme début, milieu 2024. OK. C'est la sortie. OK. Fait que c'est quand même... un an. Ouais. Près, c'est comme la prochaine année, un peu. Oh, c'est parfait. J'adore ça. OK. Est-ce que t'es prête à tourner ta première carte? Oui. Fait que ça, c'est mon passé, c'est ça? Ouais. Puis parfait. Si c'est en relation avec ton passé, ça va sûrement être en relation avec les albums que tu as déjà sortis. C'est ça que je pense. Allons-y. Peut-être. OK. Ah, c'est à l'envers, ça veut dire quelque chose. Ça dépend parce que... Ça dépend comment tu lis. Non, mais je pense pas parce que t'es tout brassé dans le même, dans le même sens. Fait qu'on va juste les lire comme s'ils étaient à l'endroit. D'accord. Sinon, c'est plate. Mais j'ai peur que ce soit un sacrilège que je revire de côté là. OK, parfait. Cool. Je sais pas c'est quoi la force. Alors, si tu sais pas c'est quoi la force, tu le sais pas présentement parce que dans ce contexte-là, tu le sais pas, mais si c'est pigé dans ton passé, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as appris dans la dernière année. OK. Puis la force, concrètement, on pense que la force, c'est d'être capable de briser des choses dur dans la vie, des choses rigides. On pense que la force, c'est d'être capable de péter des portes. Mais ça l'est d'une certaine façon, mais en général, quand on pêche cette carte-là, c'est vraiment la force intérieure. Donc, c'est de se battre contre des choses qui vivent à l'intérieur de nous, des démons, ou sinon des faiblesses qu'on a, des choses qui peuvent être stressantes pour nous. De réussir à les dominer, en fait. Mm-hmm. Donc, un exemple vraiment bien basique, là. Quelqu'un qui n'est pas ponctuel, puis qui perd ses jobs ou qui n'est pas capable comme d'arriver à ses deadlines, ben son gros défi, puisqu'il va avoir rapport avec sa force intérieure, c'est d'être capable de dompter cette partie-là de cette personne-là qui fait en sorte qu'il arrive tout le temps en retard. Ouais. Fait que à travers tes derniers albums, peut-être que tu as fait face à certains défis qui t'ont permis de « woman's up ». Pis de comme, tu sais. Moi, j'adore utiliser ce mot-là. Ben, full, en fait, là, vraiment. Là. Tu sais, que ce soit album ou, mettons, spectacle, mm-hmm. tu sais, je parle souvent de le changement drastique qui s'est passé comme sur scène. Pour moi, mettons, mon premier album, c'était vraiment. J'étais vraiment terrorisée, puis comme tétanisée presque, on dirait de. J'étais jamais contente de ce que je faisais, puis sur scène, j'étais toujours en surconscience, en train de m'observer, puis j'avais rarement du plaisir. Ah, c'est oui. comme si ça s'est changé pour la dernière tournée, comme d'une shot, puis je sais, c'est un peu même mystique, disons, comment que ça s'est fait, le changement, parce que c'est rendu du jour au lendemain, premier spectacle de la nouvelle tournée. J'étais tout de suite plus, positive ou optimiste, ou j'ai du fun, peu importe les circonstances. Tu te sentais à ta place? Plus, ouais, c'est comme si j'ai comme fait, je suis venue à accepter, je sais pas, mais je pense que c'est classique première tournée. Il y a beaucoup d'artistes à qui je parle, tout le monde trouve ça difficile, c'est un peu briser l'espèce d'image romantisée de la tournée qu'on se faisait tous peut-être. Puis je pense que c'est dur pour beaucoup d'artistes. Ouais. Puis c'est comme si là, c'était comme la deuxième, je sais pas, je savais à quoi m'attendre, j'étais contente du spectacle, puis même quand il y a des choses qui vont pas comme je veux. Je suis moins à terre que j'étais avant. En tout cas, ça a fait ça un peu, je trouve, dans la musique et dans ma vision de mon travail. Fait que ça a quand même ça rapporte. Moi, je trouve que ça fait au bout du sens. Ouais. Surtout que une des choses à laquelle... les choses que moi, j'ai vécues quand j'écoutais ta musique, c'est comme, OK, il y a vraiment quelque chose qui est comme... qui a un désir de se montrer tel qu'on est dans sa vulnérabilité. Puis ça, quand même, comme, de le chanter. C'est sûr que comme quand on est sur scène, j'imagine qu'on pense moins à nos émotions puis plus à l'ND, notre tune. Ça dépend, tu vois, les deux. Mais tu sais, pour l'ND, la toune, il faut quand même être... Ouais, c'est ça, en accord. Connecté à quelque chose, ou au moins être connecté à l'autre, je dirais, comme avant tout, là, tu sais, à l'autre dans le sens, le public, là. Tu sais, des fois, on pense que quand ça vient du cœur, des fois, on interprète mieux, puis moi, je trouve que des fois, quand on est trop penché vers ses propres émotions, souvent, on est moins juste que quand on pense vraiment à donner un spectacle, puis que notre énergie a... à soi vers l'autre. Je sais pas si c'est un peu abstrait ce que je dis, mais... Non, à fond, moi, je comprends à fond. J'espère que tous les auditeurs comprennent et qu'ils trouvent ça aussi passionnant que moi. Écoute, j'espère aussi, là, si je fais des gros gestes derrière mon micro. Ben, regarde, moi, je pense que la force, c'est un indicateur que c'est ça exactement que t'as appris que t'étais capable de le faire, puis que t'étais... Voilà. Oui. Donc, le présent, maintenant. OK, le présent. Oh! Le Battleur. Oh my God! C'est tellement comme... Oh my God! Le Battleur, c'est la première carte du jeu. OK. Le Battleur, c'est comme... Le... Personne la voit, là, mais tout le monde a Google puis un téléphone. Donc, si ça vous tente de la regarder, c'est un homme devant une table avec tous les outils. Et ce que ça signifie, ben, c'est l'étape numéro 1 d'un projet. Alors, c'est vrai? Ouais. Oh my God! Ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme c'est l'étape incroyable. Du jeu, genre. C'est comme t'es là, puis là, t'as réussi là, dans toute ta vie à aller chercher tous les outils que t'avais besoin pour construire la nouvelle étape. Fait que tu sais un peu, ça veut dire que tu sais présentement avec quoi tu veux jongler. Oui. Mais que t'as pas encore commencé à le faire. Puis t'es dans une check, là, il y a sa petite... Il a sa petite coupe dans les mains, là, il boit son vino. OK, la coupe, tout le monde dans le tarot, la coupe, c'est lié aux émotions. Oui, tous les outils, les bâtons, c'est lié au métier, au savoir-faire, vraiment concret. Ouais. Les assiettes, qui sont juste ici, c'est relié à la nourriture et à l'argent. Donc, c'est toutes les questions de money. Mm-hmm. Le couteau. Il est supposé avoir un couteau quelque part là-dessus. Mais d'après moi, ça doit être le marteau. C'est plus les conflits. C'est de défendre, dans le fond, d'être capable de défendre ses intérêts pour aller au bout de ses projets, en fait. Mm-hmm. Puis, quand tous les éléments sont là, qui sont les éléments du tarot et qui sont des éléments aussi de la vie humaine, ben c'est là qu'on peut réaliser un projet. Aïe. Donc, c'est là que t'es en ce moment. C'est vraiment le... Genre l'artisanat, la construction, là, ouais. Du début. C'est fou, crème. Puis ça veut aussi dire que ce que tu avais besoin d'aller chercher, il est comme déjà là. Ouais. Ouais. Fait que c'est excitant, ouais. Pareil. Man, c'est malade. C'est hot, hein? Crème. Mais hein. Oh my God, on fait-tu le futur? Oui. Je suis stressée. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non, ça va pas si mal que ça. C'est vraiment pas la fin du monde. OK. C'est pas le pire, le pendu? Ben non. Parce que la mort, c'est comme le renouveau, mais le pendu, c'est genre... Ah non, le pendu, c'est quand même cool. OK, c'est quoi? Mais ça dépend comment tu le vois, OK? OK, oui. Le pendu, ben c'est sûr que comme quand on tire la mort, quand on tire le pendu, quand on tire la tour, là, genre le monde qui me consulte devienne complètement blanc. C'est normal. OK? C'est vraiment normal. J'ai plus de sang dans la tête. Tu l'as tout donné. Là. Tu dois être dans quelqu'un d'autre. OK. Mais en fait, le pendu, c'est un... Quand on regarde la carte, c'est un homme qui est pendu par un pied et qui a les deux mains dans le dos. OK? Le pendu, c'est quand t'es retenu par des délais, puis que tu peux pas te mettre à l'action tout de suite. Mmh. Puis s'il est dans ton futur, ça veut probablement dire qu'il va y avoir des moments dans la production de ton album où tu pourras pas avancer. Mmh. Puis que ça dépendra... C'est probable. Mais le gros avantage du pendu, c'est qu'il est pas responsable de son problème. C'est comme un moment où est-ce que t'es en suspens puis que le monde autour de toi, il essaie de get their shit together. Ouais. Puis que toi, pendant ce temps-là, t'as le temps puis t'as comme un délai supplémentaire pour réfléchir à la façon dont tu vas aborder ta création. Je comprends. Ça peut être tannant parce qu'à un moment donné, on veut que ça unlock puis on veut que ça aille de l'avant, mais le meilleur conseil que je peux donner quand on pige le pendu, c'est vraiment comme de voir les délais puis de voir les retards comme des opportunités pour observer ce qui a déjà été fait, puis planifier la prochaine étape quand ça va se déloquer, tu sais. Ouais. Ouais. Aïe, aïe. C'est comme plate, puis pas plate en même temps. Mais c'est tout le temps ça, dans le tarot. Il y a tout le temps quelque chose. C'est comme, oui, tu peux le voir demain, mais chaque porte fermée, une fenêtre s'ouvre. C'est quoi qu'ils disent? Ou le contraire. C'est le contraire. Non, j'ai aucune idée pour vrai. C'est ça dans un film. Mais tu sais, comme... Ton tirage est comme hyper clair, tu sais. C'est fou, hein? Ouais, ça s'applique très bien, on dirait. C'est genre quasiment trop concret, hein? C'est fou. Ah, ouais, c'est sûrement parce que t'es quelqu'un d'ancré dans le présent. C'est ça, ouais. Mais, c'est image. Ouais, puis au-delà de ça, tu sais, on s'est quand même entraîné à être mis sur hold dans les dernières années. Mm-hmm. Puis, d'ailleurs, toi, t'as sorti ton premier album, je pense, en 2019, ça se peut-tu? Mon premier en 2019, mon deuxième en 2021. Ouais, c'était comme ça. Drette pendant, tu sais, la tournée. On a repoussé la tournée parce que c'était comme la, je sais plus combienième vague. Que, oui. Puis tout refermait encore. Ouais. Puis tout, puis on a recommencé après. Ouais, non, ça... Mais en fait, on était supposé être en Europe. Et on avait une tournée de 3 semaines en Europe qui était prévue au moment où la pandémie a explosé. On était genre dans l'avion, puis ils disaient « Ils vont fermer les frontières américaines, oh. Donc voulez-vous débarquer? » Tu sais, voulez-vous y aller ou débarquer puis rester au Canada? Tu sais, c'était comme... Ça, je pense que c'est le 13 avril 2019. Genre, ouais, c'est une ambiance de fin du monde, là. C'était fou, ouais. Là. C'était un vendredi 13, hein? C'est vrai? Vendredi oui. 13 mars. Ouais, ouais, moi, je m'en souviens très bien. Vous étiez dans l'avion, sans joke? On était dans l'avion, puis on a décidé bien, qu'on hein? partait pareil. Okay, okay. Finalement, rendu là-bas, toutes les shows ont été annulés dans les prochains jours. On était en Belgique, puis comme, tu sais, on rentrait dans les magasins, puis le monde était un peu comme, pouvez-vous rester pas trop longtemps? Tu sais, c'était comme vraiment dans... On savait pas trop. Ah oui, c'est ouais, vrai. Le monde avait comme peur, là, c'était fou. Ouais. Ah oui, c'est... mais c'est fou. Là, j'ai comme l'impression qu'on s'en rappelle plus ou que ça a tellement été dilué. À quel point ça fait pas longtemps, en plus, mais ça, c'est... Ouais, on occulte ça rapidement. On maintenant, occulte. Le stress, c'est... On occulte ça, c'est ça. Mais le monde a énormément changé quand même depuis. Oui. Donc, tu sais, c'est certain que là, les délais, on dirait que les délais en post-pandémie, c'est des délais qui sont d'ordre différent, peut-être des délais monétaires, des délais, tu sais, il y a... Mais même des fois, c'est un blocage, tu sais, comme on disait, des fois, l'inspiration, on n'est pas responsable de ça, puis des fois, c'est pour mieux revenir plus tard aussi, tu sais. Mm-hmm. On verra quelle forme ça prend. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais ça, t'as un beau tirage. Je te redirai. Ben oui! Dans un an. Wow, ben, c'est une belle expérience. Comment t'as trouvé ton expérience? C'est malade, c'est vraiment ça. Fun. Moi, je trippe en ce moment. Je suis bien. Puis je me suis fait lire quelques fois, justement, comme je dis, mon chum, il s'intéresse bien à ça, puis il lit aussi le tarot, puis il s'est pratiqué beaucoup avec moi, là. Tarot, yiking, tout. Puis justement, en bonne sceptique, j'étais un bon public très difficile. Ah, c'est comme si t'avais un peu à soupouler. Oui, c'est ça, là. Maintenant, je trippe, j'aime ça. Ah, en plus, je prends ça trop au sérieux, là. Tu vois, je suis vraiment j'étais stressée quand le pendu est sorti. Ah, mais genre, finalement, c'est vraiment une super carte, en fait. Puis ce qui est cool, c'est que cette carte-là, tu sais, quand on regarde le jeu, vraiment, là, ils sont tous en relation les unes par rapport aux autres. Donc, tu sais que qu'est-ce que tu as appris dans ton passé va être utile pour ce que tu vas vivre dans ton futur aussi, tu sais. Exact. Oui. Le jeu, on parle du jeu, je regardais justement le jeu qui est magnifique, qui vient dans une boîte qui est super belle aussi. Ça, c'est ma petite boîte à moi. Ah, c'est à toi, OK, c'est ça? Oui, mais le jeu, c'est vraiment un tarot de Marseille classique. Moi, c'est avec ça que je tire. Tu peux y aller. Même si tu voudrais tirer une quatrième carte, tu peux si tu veux, mais t'as déjà un jeu magnifique. Mais c'est quoi que ça fait, tirer une quatrième carte? C'est comme pour avoir l'espèce de mot... Des gens de insight. Est-ce qu'il nous reste du temps? Ben, il nous reste 45 secondes. Ah! Okay. Le jugement. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, mon Dieu, le jugement. Ça va au-dessus. Oh! Hey, c'est vraiment pas une carte facile. Mon Dieu. Ah ouais, c'est ça, le 30 En fait, bon, OK. Hey, ça me stresse vraiment beaucoup. Je m'excuse. Le jugement, ça veut dire qu'il va falloir que tu te fies à ton instinct puis à ce que tu vas avoir appris pour trancher à travers des décisions. Mm-hmm. Puis... puis ça a quand même un rapport avec la justice, mais ça le, tu sais, la justice c'est comme plus le bien le mal en général, tu sais, quand la vie comme te remet de la justice, comme le karma puis ces affaires là, alors que le jugement c'est vraiment quelque chose que tu vas chercher en toi, puis ça a pas rapport avec des forces extérieures, c'est juste comme tu vas avoir besoin de faire preuve de jugement où il y a des autres. Ou il y a d'autres instances autour de toi qui vont peut-être avoir te juger d'une certaine façon. Ouais. Puis c'est woman up ou me faire. Ben oui et non, mais tu sais, c'est quand même, ça vient évidemment avec tout le lot d'une décision qui peut être tranchante dans la vie. Donc je comprends. Voilà, c'est des grosses décisions, mais évidemment quand c'est pas quelque chose que t'as jamais vu là dans toutes les. Toute la création d'album, il y a toujours ça. Ce track-là est mauvais, ce track-là est bon. Ce petit extrait-là, il est malade. Ou ça va pas être comme on se l'imagine, tu sais, au début. Tu sais, c'est tout le temps ça. Le chemin est toujours bien différent. Toujours surprenant. Mm-hmm. Mais la meilleure des chances, c'est beaucoup de plaisir pour ton prochain album. Merci. Et merci à tout le monde. Crime, ça fait. Une belle édition. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à vous autres. Merci de m'avoir accueilli. Bonne blague. Et restez sur les ondes de CKRL. On a Prescription Punk Rock qui s'en vient avec Vilain Pingouin. Tout ça dans les prochaines minutes. Vous écoutez le Radioton de CKRL.